الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture et l'explication de sourate Al-Kahf, la sourate la caverne. Nous en sommes au verset 28 de cette sourate. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله سبحانه وتعالى dans le verset 28 dit dans le sens de sa parole: reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant uniquement son visage, et ne détourne point d'eux ton regard pour rechercher la parure de ce bas monde. N'obéis pas à celui dont nous avons distrait le cœur de notre rappel, qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Dans ce verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ainsi qu'à ceux qui le suivent, aux suiveurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils le prennent en exemple, de faire preuve de patience et de rester en compagnie des croyants pieux, dévots et repentants qui invoquent leur Seigneur matin et soir. C'est-à-dire qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala en début de journée et en fin de journée, désirant en cela la face d'Allah seul. Il les a décrits comme étant des dévots et des serviteurs dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset contient l'incitation à fréquenter les gens pieux, vertueux, à lutter contre ses passions, les passions de son âme, pour supporter leur compagnie et à les prendre comme compagnons, même s'ils sont pauvres, car il y a dans leur compagnie des avantages innombrables. Et Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas les quitter. Ne les quitte pas, c'est-à-dire ne leur montre pas de la condescendance et de l'orgueil pour courir après des plaisirs de ce bas monde. Car cela est nuisible et n'est d'aucune utilité, en plus du fait qu'il éloigne des avantages spirituels de la religion, dans la mesure où il implique l'attachement du cœur à ce bas monde, ce faisant, le cœur ne se consacre plus qu'aux affaires de ce bas monde en se vidant de tout désir pour l'au-delà. En effet, la parure de ce bas monde enchante celui qui la voit, ensorcelle sa raison et rend son cœur insouciant par rapport au rappel du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Absorbé dans la recherche des passions et des désirs de ce monde, il se met dès lors à perdre son temps et à le consacrer dans des vanités et des futilités, sombrant dans la perte éternelle et regrettant son comportement en permanence. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui est devenu insouciant vis-à-vis d'Allah, qu'il l'a châtié en le rendant inattentif à son rappel et qui suit ses passions. Il est devenu esclave de ses passions, en ce sens qu'il fait tout ce que son âme lui suggère, même si cela le mène à sa perte et à son malheur. Il a pris sa passion comme divinité en dehors d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. As-tu vu celui qui a fait de sa passion son Dieu et qu'Allah a égaré en connaissance de cause? Beaucoup croient que adorer autre qu'Allah, cela se limite à adorer des statues ou des arbres, ou des morts ou des saints. Alors que la majorité des gens aujourd'hui ont pris comme divinité et comme Dieu leur propre passion, leur propre personne, le culte de la personne, le culte des satans des réseaux sociaux. Et ils les ont pris en divinité en dehors d'Allah. Ils leur obéissent dans toutes choses, rendent halal ce que eux rendent halal et rendent haram ce que eux rendent haram, et les suivent comme des moutons. Ces gens-là ont pris leur passion en divinité en dehors d'Allah. Et Allah Ta'ala a parlé de cela. N'as-tu pas vu, as-tu vu celui qui a fait de sa passion son Dieu, celui qui ne sait pas se réfréner, celui qui suit tout ce que ses passions lui dictent? Alors il a pris sa passion en divinité en dehors d'Allah. Et Allah Ta'ala, en parlant de cette personne, il dit dans le sens du verset ici qu'il se complaît dans ses excès, c'est-à-dire qui a fait perdre les avantages de sa religion et de sa vie profane. Allah Azza wa Jal a interdit qu'une telle personne soit obéie, car son obéissance mène à la prendre comme exemple dans la mesure où il n'invite qu'aux choses mauvaises, qu'aux choses qui le caractérisent. Ce verset montre que celui qui doit être obéi et suivi et être pris comme guide, comme modèle pour les hommes, est celui dont le cœur déborde d'amour pour Allah, au point où cet amour déborde sur sa langue, qui ne cesse jamais d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne suit ce qui implique la satisfaction de son Seigneur en la faisant passer avant ses passions, avant ses désirs. Il exploite ainsi son temps dans ce qui est utile. Les circonstances de sa vie s'améliorent et ses actes deviennent vertueux. Il invite les hommes à suivre ce dont Allah lui a fait don. Une telle personne est digne d'être suivie et d'être prise comme guide et comme exemple. Quand Allah Ta'ala dit dans ce verset: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, patiente, reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur. La patience citée dans ce verset est celle qui consiste à patienter dans l'obéissance à Allah, ce qui constitue le plus haut degré de la patience. Avec sa perfection se perfectionnent tous les autres actes. Il y a aussi dans ce verset la recommandation d'évoquer Allah, de l'invoquer et de l'adorer aux deux extrémités du jour, car Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ceux qui font cela, ceux qui évoquent Allah matin et soir. Or, tout acte dont Allah loue l'auteur et lui fait des éloges prouve qu'Allah l'aime. Et dans la mesure où il l'aime, il ordonne de le faire et incite les gens en ce sens. Puis, dans le verset 29, Allah Ta'ala dit dans le sens: « Dis, La vérité émane de votre Seigneur. Qui croit qui voudra et que la renie qui voudra. Nous avons préparé pour les mécréants un feu en l'enceinte duquel ils seront cernés. S'ils demandent à boire, on les abreuvera d'une eau semblable à du métal fondu qui leur brûlera le visage. Quelle détestable boisson et quelle mauvaise demeure. Dans le verset 30, quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous ne laissons jamais se perdre la récompense des bienfaisants. Dans le 31, voilà ceux auxquels sont réservés des jardins d'établissement permanent, sous lesquels coulent des rivières, et où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts faits de soie fine et de brocart, et confortablement installés sur des divans. Et quelle bonne récompense, et quelle belle demeure. Dans ces versets 29 au 31, Allah Ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux hommes: ceci est la vérité qui émane de la part de votre Seigneur. C'est-à-dire que la guidance s'est distinguée de l'égarement, le bon sens de l'erreur et les caractéristiques des bienheureux de celles des réprouvés. Et ce, en raison de ce qu'Allah a montré par l'intermédiaire de son messager sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Par conséquent, une fois que cela fut montré et clarifié, et qu'il ne resta aucun doute à ce sujet, croira qui voudra et rejettera qui voudra. C'est-à-dire qu'il ne reste maintenant qu'à emprunter un des deux chemins, en fonction de l'assistance divine que recevra l'homme ou sa non-assistance. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala a donné à l'homme une volonté propre avec laquelle il peut choisir entre la foi et la mécréance, entre le bien et le mal, et c'est pour cela qu'il sera jugé et qu'il sera récompensé ou châtié. Celui qui croit aura été assisté dans la voie de la justesse, et celui qui rejette, qui renie, l'argument et la preuve aura été établi contre lui, et il ne sera pas contraint de croire. C'est-à-dire, on ne va pas le forcer à devenir croyant. Mais auprès d'Allah, il doit croire. Quand on dit « il ne sera pas contraint de croire », ça ne veut pas dire qu'il est libre d'être mécréant. Cela veut dire qu'on ne le force pas à être croyant. Mais auprès d'Allah, les gens ne sont pas libres d'être croyants ou mécréants. Auprès d'Allah, dans la loi d'Allah, auprès du jugement d'Allah, il est demandé à tout le monde d'être croyant. Mais par sa sagesse, Allah a voulu laisser le choix à l'être humain. Certains vont croire, certains vont mécroire. Alors maintenant que la réalité a été exposée clairement, on ne doit forcer personne à devenir croyant. On doit exposer seulement. C'est dans ce sens-là que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dans Sourate Al-Baqarah a dit « La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. » Nulle contrainte en religion. Maintenant que la vérité s'est distinguée de l'erreur, c'est-à-dire maintenant que tout est clair, on ne contraint personne à devenir musulman. On lui propose. S'il accepte d'être musulman, il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous. S'il refuse, alors l'État musulman dans lequel il est le laisse sur sa religion, mais il doit respecter les règles de société et il doit rester sous l'autorité des musulmans, tout simplement, dans le pays où il est. Il n'y a pas, dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, croira qui voudra et reniera qui voudra, la permission pour le mécréant de choisir une des deux choses. C'est-à-dire, tu as le choix, ou tu deviens mécréant ou croyant, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que dans ce bas monde, il a le choix. Mais auprès d'Allah, il n'est pas excusé. Donc dire... tout le monde est libre d'être mécréant? Non, c'est faux. Tout le monde est esclave d'Allah, croyant et mécréant. Et tout le monde doit croire en Allah et lui obéir. Sauf que les mécréants ont choisi de ne pas le faire. dans ce bas monde, ils ont ce choix. Ils ont cette liberté de choisir de ne pas le faire. Mais ils seront châtiés pour cela. Donc dans ce verset, en vérité, c'est une mise en garde. Une sévère mise en garde à ceux qui choisissent la mécréance après que la clarification des choses ait été faite. De même que ce verset n'implique pas la cessation d'inviter à l'islam ou de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les mécréants. Ça n'a rien à voir avec cela. Ce que ce verset prouve, et le verset de Sourate al-Baqarah, c'est qu'on n'impose pas à quelqu'un de devenir musulman. On ne force pas quelqu'un pour être musulman. On lui expose clairement l'épreuve et c'est à lui de faire le choix en toute connaissance de cause. De choisir le paradis ou l'enfer. De choisir d'être sous la colère d'Allah ou de choisir d'être sous sa satisfaction. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala mentionne à la suite le sort des deux groupes. Le sort de ceux qui auront mécru et le sort de ceux qui auront cru. En disant: nous avons préparé pour les injustes, c'est-à-dire l'injustice majeure, les mécréants, qui ont fait preuve de mécréance, de turpitude et de rébellion contre Allah, un feu dont les flammes les cerneront de toutes parts. C'est-à-dire d'où ils ne pourront pas s'échapper, et contre le châtiment duquel personne ne pourra les secourir. S'ils demandent à être abreuvé, à boire pour étancher la soif intense qui les tenaille, on leur servira un liquide bouillant comme du métal fondu ou comme le sédiment de l'huile en raison de son intense chaleur qui brûlera leur visage. Si ceci est l'état du visage qui s'approche seulement de ce liquide, que dire alors des entrailles et des estomacs où Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ce liquide que celui qui boit ce liquide yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Allah ta'ala en parlant de ce qui est liquide dit: il fera fondre leurs entrailles et leur peau pendant que des masses de fer seront préparées à leur intention. Qu'Allah nous en préserve. Allah Ta'ala, en parlant de ce breuvage, dit dans le sens: quel détestable breuvage qui sera utilisé pour étancher la soif et soulager un peu contre le châtiment, ce qui ajoutera leur supplice du supplice. Et quelle mauvaise demeure et lugubre séjour en enfer. Il s'agit là d'une description décrié de la Jehenn, dont le séjour est lugubre et abominable, et qui ne contient que le supplice pénible, qui ne cesse pas, ne serait-ce qu'un moment. Ses habitants auront désespéré de tout bien, et le miséricordieux les oubliera dans le châtiment, comme ils l'ont oublié dans la vie de ce bas monde. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala mentionna le deuxième groupe, le groupe de croyants, en disant que ceux qui auront cru et qui auront accompli les bonnes œuvres, c'est-à-dire qui auront réuni entre la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et la prédestination dans le bien et le mal, et l'accomplissement des bonnes œuvres, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, ceux-là sauront que nous ne laissons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien, c'est-à-dire de faire le bien pour la face d'Allah seul et pour obtenir sa satisfaction en suivant en cela le Coran et la Sunna, la loi d'Allah. Une telle œuvre ne sera pas être perdue par Allah, loin s'en faut, puisqu'elle sera préservée pour leurs auteurs. Et il les rétribue abondamment en fonction de leurs actes et de sa faveur et sa bienfaisance, subhanahu wa ta'ala. Il cite alors rétribution à travers sa parole, où il dit dans le sens: à cela sont réservés des jardins d'Éden, où coulent des rivières et des ruisseaux, et où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts de soie et de brocart, et accoudés sur des divans. Quelle belle récompense! Et quel magnifique séjour! C'est-à-dire que ceux qui sont caractérisés par la foi et les bonnes œuvres auront des jardins très élevés où se trouvent d'innombrables arbres pleins de fruits et dont les rivières sont nombreuses, coulant sous ces arbres élégants et ces demeures somptueuses. Leurs parures seront faites d'or, leurs habits de brocart vert et de satin et de soie fine. Ils seront accoudés sur des canapés et des divans parés et embellis de parures luxueuses. Leurs accoudements sur ces divans montrent leur parfaite sérénité et l'absence en eux de toute fatigue ou affliction. Les domestiques, les servants, se relayeront auprès d'eux pour les servir de ce qu'ils désirent. Cet état de béatitude dans lequel ils se trouvent sera éternel et permanent. Cette demeure majestueuse sera une belle récompense pour ceux qui œuvrent dans le bien et un magnifique séjour où ils jouiront avec ceux que désirent leurs âmes et ceux qui réjouissent leurs yeux comme félicité et allégresse, bonheur ineffable, plaisir durable et béatitude éternelle. Et quelle demeure est meilleure que celle où le royaume des élus les plus inférieurs équivaut à une marche de 2000 ans dans sa félicité, dans ses palais, dans ses jardins, sans regarder ce qu'il y a au-dessus d'eux comme félicité, dans la mesure où ils auront obtenu réponse à tous leurs désirs et aspirations, et ainsi qu'un surplus qui dépasse toute espérance. Malgré cela, leur félicité sera constamment en augmentation dans la forme et dans l'excellence. Aussi, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux, de ne pas nous priver du bien qu'il possède en raison du mal que nous faisons dans notre négligence et notre désobéissance. Ce noble verset et d'autres semblables prouvent que la parure concerne aussi bien les hommes que les femmes dans le paradis, comme il est mentionné dans plusieurs hadiths authentiques, car il a donné un sens général dans sa parole où ils seront parés.